Que chacun d'entre vous savez ce qu'est le stress. Pour vous donner un petit exemple, vous êtes en train de regarder une personne stressée. Mais il ne faut pas trop se surestimer car après avoir étudié le cas, j'ai réalisé que à peu près la majorité de la population est stressée. Pour moi, c'est très logique car on vit dans une métropole où tout est vite, où tout est compté, l'heure. On embarque dans sa voiture, on va sur la route et puis on est tendu, on doit toujours éviter et tout. Alors, c'est très normal pour moi. Alors aussi, on a des paiements à rencontrer à la fin du mois, on a peur aussi d'échouer. Il y a plusieurs formes et styles de stress. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que c'est dangereux pour le corps, c'est pas vraiment pratique. On va découvrir ce soir s'il y a une utilité au stress. Et puis, il faut trouver les moyens pour régler le tout avant que le tout nous épuise. Pour cela, accueillons tranquillement ensemble M. Daniel Kemp. Pour commencer, j'aurais une chose à dire. Ça te stresse pas trop? Bon, il y a des personnes qui m'ont demandé tout à l'heure, et il y a des personnes sans doute qui voudront poser cette question-là pendant la période d'entraque, et je vais donc répondre immédiatement à ces questions. Plusieurs personnes ont constaté que cette semaine, évidemment, à part René Lévesque, il y avait eu la mortalité de Yolande Guérard, qui, certains le savent, est un grand rosicrucien. Il y a aussi la mortalité de l'honorable Alexandre Lachance. Certains le savent, est aussi un franc-maçon. Et on m'a demandé quelle était la correspondance, pourquoi ça donnait que le Québec était tant hypothéqué en une semaine. Et je leur ai répondu que je répondrai à cette question seulement dans 40 jours, pour des raisons que j'expliquerai dans 40 jours. Alors, je ne répondrai donc pas à ce genre de questions ce soir, parce qu'il y a des personnes à travers les trois qu'on a nommées qui ont demandé, enfin, ils ont un travail à faire, et c'est préférable qu'on n'en parle pas avant ce laps de temps. Alors, je réponds donc. S'il y a des questions à la deuxième partie là-dessus, on va les sauter. Voilà. Alors, côté stress, est-ce que le stress est apparu en même temps que la vie? Bon, bien, le mot stress est apparu lorsqu'un ingénieur a découvert que certaines matières avaient la possibilité de résister à des pressions, à des forces. Et lorsqu'ils résistaient à des forces, ils accumulaient chez eux un degré de faiblesse. Et lorsque le degré de faiblesse était suffisamment accumulé, la chose, la substance, la matière se rompait. Alors, le mot stress est un mot d'ingénierie. Il a été appliqué par la psychologie à l'homme parce que la psychologie, cherchant les mots, s'est rendu compte que l'homme aussi avait une faculté d'accumuler la faiblesse. Et lorsque la faiblesse devient suffisamment puissante chez l'humain craque. Alors, on peut faire différentes correspondances. Il y a le stress physique qui peut engendrer des pathologies, des maladies. Il y a le stress vital qui engendre aussi des fatigues, des dépressions et des pathologies physiques. Il y a le stress psychologique qui peut engendrer une désharmonie, donc une espèce de désarçonnement complet de la logistique, de ce qu'on appelle la normalité dans l'évolution de l'individu. Il y a le stress mental qui peut engendrer les erreurs au niveau des réactions logiques chez le comptable, chez d'autres personnes. Et on peut aussi découvrir un stress supramental, c'est-à-dire que le stress n'existe pas dans le contexte supramental, dans ce qu'on appelle l'esprit saint, dans l'intelligence. Mais il peut exister lorsque l'intelligence supramentale essaie d'entrer en contact avec les plans humains, c'est-à-dire avec le plan mental, astral, vital et physique. Alors, du point de vue mécanique, du point de vue simplement matériel, le stress est apparu à l'instant même où la matière est apparue. Alors, à travers le stress planétaire, on a l'air qui écrase la matière solide, le sol, et ce sol, eh bien, il se stresse. Mais ce stress fait partie de ce qu'on peut appeler la normalité, c'est-à-dire que c'est normal ou naturel qu'il ait ce stress. Chaque fois que l'être humain marche sur un plancher, comme présentement, je suis assis sur une chaise, Et la chaise, pour ne pas s'enfoncer sous mon poids, doit opposer au poids de mon corps la même poussée vers le haut. Mais la différence, c'est que la chaise, elle peut soutenir un certain stress. Si je mets une tonne de poids vers le bas, de force vers le bas, la chaise ne pourra pas supporter ce stress et elle s'écrasera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que l'humain n'a pas de mémoire, tant que les choses n'ont pas de mémoire morte, la matière, elle a une mémoire vivante, c'est-à-dire que c'est une mémoire qui conserve sa forme, ainsi que tout ce qui est régi par l'attraction vit d'une mémoire ou de vie d'un stress vivant. Alors, pour que la table puisse supporter le verre, elle doit opposer au verre la même force vers le haut. Sinon, la table plierait. Mais si j'ôte le verre et que la table n'ôte pas instantanément la force qu'elle applique sur mon verre pour le soutenir, la table devrait voler vers le haut. C'est ce qui arrive lorsque l'on prend une valise très pesante, très lourde et qu'on ne s'y en attend pas. On vient pour la prendre, c'est quasiment l'épaule qui reste là. Si on prend la valise et après 2 mois de soulevage de la même valise, un jour on tombe sur la même valise mais qui a été vidée, on va la prendre et elle va faire ça. Alors c'est ce qui arrive. Si je tiens quelque chose et qui pèse 50 livres, ou bon, mettons qu'il pèse 5 livres dans ma main, et je ne regarde pas et puis tu ôtes l'objet, nécessairement ma main va monter. L'humain n'a pas la faculté de s'adapter instantanément à la dissolution ou à la disparition de ce qui crée le stress. L'humain mémorise le stress. Alors une chose n'est plus là pour stresser l'homme, mais l'homme, conservant en mémoire le stress, accumule ce stress. Et à la longue, on dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'à la longue, tu as tellement accumulé de cette mémoire de stress que même s'il n'y a plus rien pour te briser, ben, tu brises. Le stress est apparu lorsque la vie est apparue, le stress d'opposition à matériel, d'opposition des forces. La mémoire du stress est apparue lorsque la conscience de la vie est apparue, c'est-à-dire qu'elle est apparue surtout chez l'homme. L'animal ne se stresse pas autant que l'homme, l'animal ne vit presque pas le stress et il apprend rapidement à l'éliminer. Il va l'éliminer par la peur, il va l'éliminer par les batailles, par la faim. Il jeûne souvent l'animal, que ce soit l'herbivore, que ce soit le carnivore, que ce soit l'insectivore. Et lorsque l'animal se rapproche de l'homme, au contact de l'homme, il se conscientise, une conscientisation qui n'est pas évolutive, une conscientisation qui ne sert rien d'autre que l'animal. Ça ne sert pas un plan prévu de l'évolution, ça ne sert pas l'homme non plus, ça ne sert que l'animal de son vivant. Et lorsque l'être humain, lorsque l'animal se conscientise au contact de l'homme, il peut apprendre à mémoriser certains stress et les animaux domestiques peuvent devenir stressés. Et l'homme, évidemment, pas étant donné que l'homme est un maître dans bien des conneries, parce que l'homme veut être son maître, mais à un moment donné, l'homme le devient, mais dans les choses qui ne sont pas tout à fait écologiques. Alors l'homme est passé maître dans la faculté qu'il a de mémoriser le stress pour pouvoir se dire « j'ai eu peur, c'était stressant, oui mais ça c'était épeurant ». Et finalement, à travers toute cette mémoire, l'humain, par son orgueil, finit par créer une logistique. « Oui, mais c'est normal d'être stressé quand tu me cries après comme ça. C'est normal d'avoir peur quand tu vois ça arriver. » Et étant donné que maintenant, ça devient normal d'être stressé, d'avoir peur, que ça devient normal d'accumuler son stress chez soi, on finit par penser qu'il est humain de mourir du stress. Et on va dire, et comme tout à l'heure tu racontais, qui est un peu faux. C'est normal d'être stressé dans une société, dans une métropole comme la nôtre, où tout est pressé et puis tout se promène. Je vois pas pourquoi c'est normal d'être stressé. Mais on est tendu. On est tendu, pourquoi? Parce que l'on résiste à quelque chose. Mais quand je vois un oiseau passer à toute vitesse, je suis couché dans pleine nature, je contemple. Je suis couché sur mon balcon et je vois un oiseau passer à toute vitesse et je me stresse. C'est que je m'attends à quelque chose, j'ai déterminé que je devrais vivre dans un cadre particulier. Qu'est-ce que c'est le stress des métropoles? C'est simplement l'expression de l'inadaptation de l'homme à la métropole. Je connais quelqu'un qui vient de la campagne. puis il roule très vite sur les routes, il fait au moins du 55 km à l'heure sur les routes de campagne. Quand il arrive à Montréal avec son bolide à 55 km à l'heure, puis qu'on le klaxonne à tout bout de champ, même si c'est dans la voie de droite, parce qu'on passe à 80, 90, 100, 110, 120 sur les voies rapides, eh bien là, il vient fou, fou, fou. Là, il ne peut plus conduire, il s'en va, tout passe, toute vitesse, il ne comprend plus. Alors, il devient stressé. Mais en campagne, il n'est pas stressé. Pourquoi? Et c'est ça. On vit dans une métropole, on vit dans une condition de vie que l'on se borne à refuser. Pourquoi ne trouverions-nous pas normal de vivre dans une société où ça va vite? Alors, l'humain, inconsciemment ou consciemment, rejette et il en profite. L'humain est tellement orgueilleux que tous les problèmes qu'il peut vivre sont sa malnutrition. Ah ben, c'est la faute de la société! C'est à cause des fast-food! Mange-en pas! Oh, on n'a pas le temps! Voyons donc, on n'a pas le temps. La femme a réussi à se libérer, a réussi à se créer des emplois, l'homme a réussi à cesser d'être exploité dans les mines, on a réussi à avoir des salaires de 10, 15, 20, 30 $ de l'heure, on n'est pas capable d'avoir un 15 minutes de plus pour manger. Parce qu'on ne veut pas. Et chez soi, est-ce qu'on mange mieux que... pas nécessairement. Alors, non, mais on met sous d'autres de la nourriture rapide. Et en réalité, c'est l'humain qui ne s'adapte pas à la chose. Aller chez McDonald's, c'est aussi bon pour la santé que de manger un steak n'importe où. Mais la façon dont on va le manger, oui, mais c'est du fast-food, c'est une raison pour l'avaler tout rond. C'est l'idée! Tu manges une pizza. La pizza, est, si la viande qui est dedans est intéressante, elle n'est pas trop pourrite, eh bien, tu as des choses intéressantes. Un hamburger, c'est impeccable. Tu as le pain, donc il y a le pain. Tu peux mettre un morceau de tomate et des oignons, donc il y a les légumes. Tu peux rajouter le fromage, donc il y a le lait. Et tu mets la viande, donc il y a la viande. Alors, si on regarde ce que le gouvernement suggère à l'humain, on doit manger de 4 choses. Et le hamburger les contient toutes. Oui, mais du côté, on a toujours... Bon, j'ai toujours vu que des personnes qui voulaient évoluer spirituellement ou quoi que ce soit avaient besoin de tranquillité, pas besoin de se lever à 8 heures, de finir à midi, de recommencer à midi. C'est ou pas? Les personnes qui veulent évoluer fuient les problèmes. Ils se disent, vu que j'ai plus de problèmes, je suis évolué. Il y a deux façons d'évoluer. Puis avoir aucun problème ou transcender les problèmes. Il y a deux façons. Il y a deux façons d'être bon. Empêcher les autres de monter, t'es bon? Ou te forcer à monter. Alors, c'est bien évident que, de temps en temps, l'humain, pour se retrouver, a besoin d'un peu de calme, c'est-à-dire qu'il a besoin de se déconnecter des perturbations électromagnétiques qui l'agitent. Donc, il aura besoin d'être dans un endroit où il n'y a pas d'électricité. Quand il y a une panne de courant, on dirait qu'il y a un son que tu n'entends jamais, que tu n'entends plus. Exactement! C'est une perception que nous avons. Puis là, on dirait que quelque chose cesse de circuler. C'est l'électricité. Les fils électriques n'étant pas blindés, ils engendrent des champs électromagnétiques qui perturbent l'énergie vitale de l'homme. Et ça perturbe à un point tel qu'on en est rendu qu'on en fait une cure. On a inventé des appareils qui créent des champs électromagnétiques pour bousiller un peu l'énergie vitale de l'humain. Alors, si ton champ vital est très bas, l'appareil le monte à son niveau. Tu sens une amélioration. Si le tien est plus haut, l'appareil le baisse à son niveau. Puis là, ben, tu jures de plus jamais retourner. Bon. Mais étant donné qu'on vit dans des maisons, dans des structures électriques où tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire le soir quand on se couche? C'est prendre le gros disjoncteur principal puis l'éteindre. Alors, il n'y a plus d'électricité. Là, on va dire, oui, mais je n'aurai pas le réveil matin. Mets une batterie dedans. Ça va circuler dedans, ça va déjà être moins pire. Oui, mais si je me lève la nuit, je rallume ton disjoncteur puis sois stressé. Comme ça, si tu te lèves la nuit, tu auras ta lumière. Mais c'est évident que si l'humain fait ça, déjà, il élimine une grande partie de son stress, c'est-à-dire d'une manipulation qui l'oblige continuellement à être en hyperactivité alors qu'il n'en a pas besoin. Ça, c'est une mécanicité. Est-ce qu'on veut être relaxé? Alors, on éteint le disjoncteur principal. On coupe le gros breaker. Bon. Schnack. Puis s'il est chez le voisin ou dans le garage en bas, eh bien, on a un problème. C'est évident que défaire les fusibles à chaque fois, c'est compliqué. Mais peut-être défaire celui de sa chambre. Et ça paraît bien banal. Oui, bien, vous dormez en campagne, vous allez camper dans une tente. Il y en a qui vont même dans des terrains de camping où ce que le stress social, il est parfait. C'est bourré de roulottes, c'est bourré de télévision, c'est bourré de tout ce qu'il voudra. Puis il y en a un qui a sa petite tente à côté qui dort mieux que tous les autres. Il n'y a pas d'électricité chez lui. Alors c'est simple, on défait la fusible ou on éteint le disjoncteur de notre chambre. Et puis déjà là, on élimine une chose. Mais l'humain doit s'adapter. Moi, je peux conduire un automobile. Certains vont dire, c'est parce que je conduis un véhicule d'urgence, une ambulance pendant 50 ans que ça amène à ça. Mais quand je vais sur la route, je ne suis jamais stressé. Je trouve que tout le monde va trop lentement. Bon. Et je comprends qu'ils ne peuvent pas aller plus vite. Alors, je m'en balade. Quand il y a un trou, je passe. Quand il n'y a pas de trou, je passe pas. Je ne me stresse pas. Je m'en fous. J'amène une banane, alors le temps que je vais lentement, j'ai le temps de les toucher. Puis bon, il y en a d'autres qui sont achetés un téléphone, ils peuvent jaser. Bon. Mais la personne qui trouve que ça va vite, elle ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est trouver que ça va vite? C'est de toujours considérer qu'on devrait marcher lentement. Mais qu'est-ce que c'est que marcher lentement? La personne qui veut trouver sa paix, elle va en campagne, elle va se trouver un petit trou, et puis là, elle a le calme parfait. Elle marche au rythme de un pas la seconde. Alors ça fait un, deux, trois, quatre. Elle s'en va se baigner au lac. Le temps que ça va y prendre, elle a le temps de se salir. Quand elle arrive au lac, elle se baigne, puis quand elle est revenue chez elle, t'as encore ça. Bon. Mais elle va calme. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que c'est énervant, ce calme-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on appelle l'endroit calme est réellement une mécanicité déstressante? Pas nécessairement. Si mon cerveau fonctionne à une vitesse X et que tout ce qui se passe autour de moi fonctionne à une vitesse Y, il y a des chances que je sois en déphasement avec l'extérieur et que je devienne stressé. Que vous marchiez trop lentement ou trop vite, si je ne veux pas m'adapter, j'aurai un problème. Pourquoi la majorité des Québécois ou des parties nord-américaines détestent-elles tant les Haïtiens? Ma mère, elle est allée en Haïti quelques fois, et puis de temps en temps, bon, elle devait aller elle-même au cash, là, à la caisse enregistreuse, pour finaliser ses bébelles, payer puis s'en aller, parce que sinon, ça ne servait à rien, elle resterait là le reste de la journée. Bon, il y a une place qu'elle allait là le soir, elle commandait son déjeuner, puis le lendemain matin, il y a des chances qu'il soit prêt. Et le matin, t'as pas fait pour commander ton souper. Elle a été dans un hôtel où la personne, la tenancière, elle fermait l'hôtel, c'était la fin de la saison, elle fermait. Ma mère restait encore deux jours, alors la porte fermait mal, elle lui a expliqué comment fermer la porte, elle lui a donné la clé, elle lui a montré où la cacher, puis elle a saqué son cas. Et ma mère était toute seule dans l'hôtel. Elle dit, ce que ma mère, elle espérait, c'est que personne vienne louer des chambres. Parce que c'était compliqué. Et ma mère, elle s'adapte. Elle s'en fout. Elle n'était pas stressée. Mais j'en connais un crime de paquet qui aurait été stressé. T'as l'hôtel à toute seule. C'est pas un problème. Tu dois payer, tu dois. En tout cas, il y a plein de choses. Parce que l'humain refuse de s'adapter au cadre dans lequel il est. Comment vivre sans le stress? Mais considérer qu'une chose est une chose. Il y a plusieurs personnes qui ne vont pas sur le métropolitain, ça les stresse. Ils préfèrent passer 15 ou 20 ou 30 minutes de plus dans le trafic en bas. Mais si tu roules à la même vitesse que les autres, il n'y a plus de problème. Tout est relatif. Présentement, savez-vous à quelle vitesse nous nous déplaçons, assis sur nos chaises? 35 fois plus vite qu'une balle de fusil. Puis ça ne nous stresse pas. La Terre, elle est en rotation. 35 fois plus vite qu'une balle de fusil. Puis parce que tu prends ton automobile et que tu roules à 100 km à l'heure, tu penses à aller vite. Ça paraît même pas. C'est à peine si ça paraît. Parce que si ça paraîtrait, on n'aurait rien qu'à sauter dans les airs, puis 35 fois la vitesse d'une balle de fusil, quand j'arriverai à terre, je serai rendu à Québec. La Terre passe. Et je saute et je vais en voyage avec la planète Terre. À mon automobile, il ne change pas grand-chose, et sans compter que le Soleil se déplace dans notre univers à quelle vitesse, lui? Et la galaxie, elle tourne à quelle vitesse? Et elle est en rotation à quelle vitesse? Et etc. Alors finalement, l'humain, quand il dit qu'il est stressé parce que ça va vite, on peut peut-être dire que l'humain est stressé parce qu'il va lentement. Pas parce que ça va vite. Alors le déphasement, on refuse. Tu arrives vers le métro, mais tout le monde se garoche. Je sais, j'ai déjà pris le métro longtemps avant d'avoir un auto quand j'allais à l'école. Puis le monde se garochait, c'était évident. Alors, je m'arrangeais pour raser les murs, puis je marchais lentement. Puis les gens, je les stressais, il fallait qu'ils me contournent. Et moi, j'étais calme. Puis là, quelqu'un me disait, oui, mais on va manquer de métro. On va manquer de métro. Je suis sûr que non. Quand on va arriver, là, le troisième va être arrivé aussi. Bon. Fait que lui veut prendre celui qui est là, là. Mais pourquoi pas l'autre? Celui qui est là, là, si tu réussis à l'avoir, sache que tu as manqué l'autre en avant. Fait que, de toute façon, si tu veux te stresser, je peux t'en trouver plein de raisons. Tu as manqué celui d'hier. Non, mais celui-là ou l'autre. Je vais arriver en retard. Pas 10 minutes pour bonheur. Arrange-toi pour prendre ton temps. C'est absolument effarant le nombre de gens qui veulent se tuer. Et ils pensent qu'ils sont stressés. Mais les lumières refusent. Tu conduis une ambulance, tu rentres sur la rue Saint-Hubert. Il y a du monde qui veulent prendre l'autobus qui commence à traverser. Tu as les gyrophares allumés puis la sirène. Ils font un arrêt. C'est intelligent. Puis après ça, ils se garochent. C'est stupide. C'est effarant le nombre de fois que tu peux, sur une lumière verte, écraser des personnes qui débarquent de cet autobus-là et qui veulent prendre l'autre de bord, là. C'est effarant. À Montréal-Nord, la ville a mis un grand truc en béton en plein milieu de la rue Lacordaire, près d'Henri Bourassa, pour empêcher les gens de traverser. Les gens sautaient par-dessus, ils ont mis une couture. Là, les gens attendent la lumière et traversent à bonne place. Parce que l'autobus arrête là, l'autre est ici. Fait que ça se garoche. Et c'est, on est stressé à cause que... De quoi déjà tu disais? C'est pas plus simple de débarquer d'un autobus, d'attendre qu'il s'en aille. Oui, mais il y a un autre aussi. Si on prend la vie trop relax, on risque de perdre bon, notre emploi et tout, non. Et tout, hein? Non. Faut se rendre à cet emploi-là à 8 heures. Oui, faut se rendre à cet emploi-là à 8 heures. Maintenant, si tu te lèves à 6 heures, tu auras le temps. Oui, mais je suis fatigué. Si tu te couches à 10 heures, tu auras le temps. Ah ouais, même à 22 heures. Pourquoi l'humain veut-il pas gérer sa vie? On pense à gérer l'argent, mais jamais on gère son temps. Tu viens au monde avec 24 heures de temps par jour. Si tu t'en sers pas, tu les perds. Ça ne se met pas en banque. Tu peux en mettre du temps en banque, puis quand tu as le temps d'aller le chercher, on te dira que tu n'as plus le temps. De toute façon, tu ne l'auras pas. Tu as 24 heures. Sur tes 24 heures, tu prends combien de temps pour manger, combien de temps pour travailler, combien de temps pour te déplacer, combien de temps il reste à toi? Et l'humain, à travers cela, plus on a de phénomènes pour se conserver du temps, plus l'humain devient avare et plus l'humain manque de temps. Ce qui devient tout à fait stupide. Tout ce que tu ne peux pas faire dans une journée, sache que c'est la preuve qu'il faut que tu le fasses le lendemain. C'est pas bien compliqué. L'humain se plaint souvent qu'il devrait y avoir 25, 26, 27 heures par jour. Parce que ça va régler son stress. Oui, pardon. Plus on a de facilité pour se gagner du temps, plus on s'organise pour en manquer de temps. Alors, d'accord, tu as ton emploi. Tu pars pour le bonheur. J'ai travaillé, moi aussi. J'ai travaillé sur des véhicules d'urgence, juste pour vous dire qu'il fallait être vite. Puis j'ai toujours eu mon temps. J'allais travailler en Bessic. Je partais de Saint-Léonard, je travaillais de près de Ville-Saint-Laurent en Bessic. Puis je partais plus de bonne heure, puis quand j'arrivais le soir, je manquais Bobino, OK, parce que j'arrivais plus tard. Mais je l'enregistrais sur vidéo. Fait qu'il n'y avait pas de problème. Puis si tu n'as pas de vidéo, ben tu manques Bobino. Il faut comprendre que le stress, c'est parce que l'homme accepte cette raison sociale qui l'oblige à refuser le neuf, en chialant toujours que le neuf vient nuire chez lui au vieux. J'ai connu un bonhomme, il commençait son chiffre à 9 heures. Il arrivait toujours à 9h10, 9h15, pas rasé, les cheveux tout croques, à toute vitesse. Or, le patron le fait commencer à 10 heures. Il arrivait à 10h15, 10h20, pas rasé, les cheveux tout croches. Le patron le fait commencer à 11 heures, parce que c'est des chiffres d'ambulance. On dit, bon, c'est le vieux de la vieille, ça pouvait marcher. Et puis finalement, quand il commençait à 1 heure d'après-midi, il arrivait encore en retard. Et il a décidé de régler son problème et déménager en face de la compagnie. Ça l'a réglé notre problème, on avait moins loin à faire pour aller chercher. Mais ça ne changeait rien. Il y a des humains que quand tu marches, sont toujours un pas en arrière. Sache qu'ils seront toujours en retard. Tu ralentis, ils ralentissent. Tu accélères, ils sont là. Alors, tu peux te dire, Krim, je marche vite, puis je suis à la même distance, donc il peut marcher vite. Si je ralentis, il ralentit. Il me suit à la même distance. Il ne peut pas être là. Il est quelque peu en arrière. Et vous verrez, vous avez sans doute des amis comme ça. Il sera toujours en retard. On s'en va, on part à 10 heures. C'est correct? OK, à 10 heures, il est pas prêt. Mais là... Oui, mais t'es toujours pressé! Mais non. Là, 3 mois, tu savais qu'on partait à 10 heures cette journée-là. C'est pas que je suis pressé, c'est que je suis à l'heure. Et ça stresse l'humain. Ça stresse celui qui attend. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'avertis ceux qui sont là qu'on part à 10 heures. Comme ça, à 11 heures, on part. Mais je sais qu'on veut partir à 11 heures. Alors moi, je suis pas stressé, puis eux autres, ils sont convaincus que tout est correct. Quand on arrive à l'heure, ben tu vois, hein, ça valait pas la peine. De... Oui, oui, ça valait la peine. Que je te dise de partir à 10 heures, il fallait qu'on parte à 11 heures. L'humain refuse. Tous ceux qui sont stressés, sachez que vous refusez quelque chose. Et au lieu d'accepter le changement, on préfère maudire le changement. La société change tellement vite. Et si vous saviez comment ça change lentement, c'est absolument écœurant de voir comment l'humain évolue lentement. Comment la société change lentement. Comment toutes les conditions changent lentement. C'est effarant. Une chose est faite, elle est faite. Ça va prendre 20 ans avant que l'humain s'y adapte. C'est absolument effarant de voir avec quelle lenteur ça fonctionne, et malgré ça, l'humain trouve que ça va vite. Le refus du neuf. La société, elle ne stresse pas l'homme. Dans la jungle, ils sont un peu moins stressés que nous, parce qu'ils vivent un rythme plus lent, mais ils ne peuvent pas non plus comprendre ce que nous comprenons. À l'instant où je dis à quelqu'un, bon, je parle avec un indigène, et puis il me dit que c'est extraordinaire que le soleil soit là. Alors moi, je suis absolument d'accord avec lui, c'est extraordinaire que le soleil soit là. Et sache que c'est aussi extraordinaire que la Terre soit là. Oh, là, avant qu'il fasse la liaison, je vais vite, là. Là, je vais vite en maudit, là. Soleil, Terre, oh! Je peux stresser facilement, j'ai rien qu'à dire qu'il y a un nombril. Je vais le stresser. L'humain refuse le neuf. Alors, la société, elle n'est pas stressante. Tu entends klaxonner, c'est parce que tu es convaincu que le klaxon est synonyme de danger. Puis comme l'humain est toujours le centre du monde, quand ça klaxonne, c'est nécessairement parce qu'il y a un danger pour toi. Avez-vous déjà voyagé avec quelqu'un assis à côté de vous? Vous conduisez, d'un coup ça klaxonne. L'autre, il vous demande, hey, qu'est-ce que t'as fait? C'est sur l'autre voie que ça klaxonnait. Ou la personne dit, oui, non, la check. Ça nous regarde pas! Il klaxonne après le voisin ou après le chat. Il y a du monde, ils sont convaincus que c'est nécessairement après nous autres. Vivement l'orgueil, on est le centre du monde. Alors, nécessairement, si quelqu'un crie, tu penses, tais-toi. Promenez-vous dans la rue. Va me promener, moi, je vais me cacher, puis ils vont crier, hey, le cave! Vous allez tous vous retourner. C'est ça, être le centre du monde. Alors, comment veux-tu qu'on ne se stresse pas quand on reste convaincu inconsciemment que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est pour nous autres? C'est évident que c'est stressant. Ça klaxonne, tu sursautes, c'est sûr, faut bien que tu te réveilles. Tu es sous le trottoir, ou tu es devant le garage, ou tu es dans ton salon, mais tu sursautes pareil au cas où le camion te foncera dessus. L'humain s'endort. Toutes les fois que la société vit à côté de lui, ça le stresse. Moi, je traverse la rue, puis si un auto fait « ça me regarde pas. Je suis tellement conscient de ce qui se passe que je sais que ça ne peut pas être pour moi. Je peux pas être stressé. Mais quand tu traverses la rue, puis tu n'es même pas convaincu de ce qui se passe autour de toi, puis que ça freine à mort, tu sursautes. Et lentement, tu engendres ce que j'appelle une mémoire d'intervention, qui fait que l'humain, même dans son salon, sursaute. Programmé. Il y a un bonhomme qui s'appelait Pavlov. Alors lui, il s'est amusé, il a connecté un tube près des glandes salivaires des chiens, puis il a remonté ça dans un pot. Alors quand il amenait de la bouffe, ben le chien salivait, puis s'apprêtait à manger. Il ramassait la salive, puis il a acheté poubelle. Bon. Alors à un moment donné, il prend une cloche, il fait bidding, bidding, bidding, puis il nourrit le chien. Alors le chien salive. Après 3-4 fois, il sonnait la cloche, puis le chien salivait. Il a plus besoin de donner steak. Il faisait bédigue, bédigue, bédigue, le chien salivait. C'était simple. Et c'est ce que l'humain fait. Ça freine à mort, c'est pour toi. La deuxième fois que ça va freiner à mort, pour n'importe qui, tu vas te sentir concerné. Alors tu deviens stressé. Ne pas se prendre au sérieux, c'est arriver à vivre sans le stress. Mais évidemment, il faut arriver à éliminer certaines programmations qu'on a. Et ça se fait facilement. J'entends que tu me poses la question, là, mais ça se fait facilement. Bon. Ensuite, l'être humain doit s'arranger pour comprendre qu'il doit vivre avec la vie. Savez-vous à quelle vitesse va la vie? La vie se déplace à une vitesse très intéressante et il n'y a rien dans ce monde créé qui ne va plus vite que la vie. Et c'est une vitesse qui est proche de 300 000 km à la seconde. Lorsque nous prenons la seconde, 0, 1, c'est quelques vibrations. On a, par exemple, on peut prendre le radium et on peut calculer sa fréquence vibratoire. Et on peut penser que 10 000 fréquences vibratoires du radium est équivalent à une seconde. Ou 100 000. Mais 300 000 à la seconde, c'est la vitesse de déplacement de la vie. Cela veut dire que l'être humain est tellement lambineux qu'il appelle cela l'instantané. C'est la vitesse de la lumière. Et l'humain veut marcher, l'humain trouve que ça va vite à 100 km à l'heure. 500 fois Montréal-Chicoutimi aller-retour en une seconde, telle est la vitesse de la vie. Et parce que l'humain fait ça en 4h30, il trouve qu'il est allé vite. Il est fait un calé, là. En 9 heures, il fait un aller-retour. En 9 heures. Et à la vitesse de la vie, il fait ça 500 fois dans une seconde. Et l'humain doit se diriger de plus en plus vers cette vitesse cérébrale. Le pilote de chasse, il apprend à accélérer sa vitesse de vie et il sera moins stressé. Un pilote de course métropolitain, là, il fume son cigare puis il s'endort. Parce que franchement, c'est lambinant. Sur sa piste de course, elle commence à retrouver quelque chose. Mais qu'est-ce qui le stresse? C'est pas la vitesse, c'est plutôt la compétition avec les autres. Pas la vitesse. Ça va jamais assez vite. Il va aller plus vite. Pour éliminer son stress, la compétition. Alors, l'humain doit s'arranger, évidemment, pour transformer un peu sa programmation, parce que l'humain est programmé. Hein? C'est normal d'avoir peur quand un gars ou une fille t'attaque avec un couteau. C'est normal d'avoir peur. Pas intelligent, mais normal. C'est normal d'avoir peur quand tu vois une coquerelle sur ton comptoir de cuisine. C'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. La coquerelle, elle peut te bouffer. C'est normal. Bon. C'est normal d'avoir peur quand tu vois un gros rat manger un chat. Bon. C'est normal d'avoir peur quand la personne que t'aimes n'est pas rentrée à la maison encore. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de s'inquiéter. On est humain quand même. Oui. T'sais, le cochon dans sa cour, il bouffe comme un cochon, puis qu'est-ce qu'il dit? Bon, les cochons quand même. C'est ça. C'est normal tellement de choses. Alors, pour arriver à se déstresser, il faut commencer par faire plusieurs choses. Il faut épaissir son périsprit. Plus l'être humain sera épais, mieux il sera. Parce que plus il est épais, moins il comprend ce que l'autre dit. Mais plus il comprend ce que lui dit. Plus il est épais, moins il est influençable. Et on épaissit son périsprit en mangeant des choses vivantes. Des végétaux, des fruits, mais pas cuits, vivants. De plus en plus. On marche du pied quand on peut, sur le sol. On prend du soleil. Du soleil à l'ombre. Et j'explique. Bon. L'enveloppe de l'âme, mais l'humain doit s'arranger maintenant pour éliminer dans son corps les choses qui le stressent. Certains font du yoga. C'est merveilleux. Tant que tu fais du yoga, tu élimines le stress. Mais après ton yoga, ça recommence. Parce que la programmation n'a pas été échangée. Il y a des personnes qui font de la relaxation, mais ne dérangez pas pendant leur relaxation. Parce qu'ils vont être tellement énervés, colériques, influençables, excitables. Tu sais, les personnes qui viennent vous dire « Ouais, mais c'est toi qui brises mon harmonie! » C'est la même chose que de dire c'est la société qui me stresse. Change l'univers, puis tu seras calme. Tu peux pas changer l'univers, mais change-toi. Ça, tu peux, peut-être. C'est plus facile, en tout cas. Alors, il y a l'humain, donc, on doit arriver à projeter son psychostress, une chose que l'on imprime dans notre corps physique et qui se mémorise. De quelle façon on le mémorise? Chaque fois que l'être humain mémorise un psychostress, c'est-à-dire que le stress peut être physique. Si je te pisse un pied, j'engendre un stress physique. Mais le stress, il est surtout, on le dit, nerveux. Mais en réalité, le stress, il n'est pas nerveux. Il se communique dans le corps par le système nerveux. Mais il provient de l'aide de la voix inconsciente de l'expression de notre astral, donc de notre âme, donc de notre psychologie. Il provient de l'expression inconsciente du système hypothalamien. Il provient des choses qu'on ne connaît pas dans notre conscience, mais que l'on peut connaître par le résultat. Et parce qu'on est accoutumé à shaker, bien, on se dit, c'est normal de shaker. Parce qu'on est accoutumé à avoir des douleurs à l'estomac, ça fait 25 ans qu'on prend des roulettes. Fait qu'on finit par penser que les autres doivent en prendre, mais ils disent pas. Ça doit être humain de prendre des roulettes. Je ne sais pas ce qu'on prenait à l'époque de Moïse. Peut-être qu'on n'a pas d'estomac, en tout cas. On en met des théories pour avoir raison. Alors, l'humain doit s'arranger pour éliminer le psychostress qu'il a chez lui. Alors, on fait des exercices de temps en temps ici au centre qui sont assez intéressants, où je demande à l'être humain, ça te tente-tu d'être déstressé, d'être calme, d'être relax? Juste ça, ça stresse. Parce que là, il me voit venir. Alors, je dis que le stress, c'est le refus qu'oppose l'homme au changement. T'es stressé, veux-tu te déstresser? Oui, oui, oui, oui, oui! Deux fois plus stressé. On va changer les choses, on va te mettre calme. C'est des fois stressant. Tu prends une personne, tu lui dis couche-toi à terre et essaie pendant 5 minutes de rien faire. Boy, c'est stressant. La pensée se promène. Preuve que l'homme est manipulé. La personne, elle sent des démangeaisons, elle aurait besoin de bouger, elle se trouve que c'est con, elle trouve que c'est stupide. Voilà, tout ce qu'il faut pour qu'elle reste stressée. Alors, quel est le premier frein à la guérison d'une maladie? Le refus du patient de guérir. Oh oui, c'est sûr que je veux guérir. Mais en guérissant, tu sais qu'on ne s'occupera plus de toi. Ah oui? Ce sont des raisons inconscientes de rester malade. Et on peut, il y en a plusieurs. Et en plus, tu finis par être sécure dedans ton boitage, par exemple. Tu deviens sécure, tu finis par tellement t'habituer à ta maladie ou à ton handicap que ce serait stressant de guérir. Demandez à ceux qui ont été guéris miraculeusement comment ils ont été stressés pendant des mois et des mois et des mois parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter leur nouvel état. L'humain va dire, ben voyons donc, moi je suis aveugle et à un moment donné je vois, je ne serai pas stressé. Non? Juste le fait de découvrir la face de ceux qui t'ont guéri, ça va te stresser. De te rendre compte que tout le monde que tu t'étais créé pour arriver à vivre dedans est faux par rapport à tes yeux. Et on peut facilement parler, le refus du changement. Alors l'homme doit s'arranger. Il y a des mécanismes extrêmement faciles pour éliminer le psychostress, c'est d'apprendre à faire ce que l'enfant fait et aussi de faire ce que vous faites de temps en temps, c'est simplement d'apprendre à crier. Alors, quand une personne est en beau maudit, quand elle est en colère, quand elle en a en masse, elle pique une crise, elle crie. Puis après ça, ça fait du bien. Alors, l'humain, intelligent comme il est, il se dit, je ne me libérerai pas souvent, je vais en accumuler jusqu'à un point tel où m'a craqué. Si, dans une crise, pleurer ou crier fait du bien, c'est la preuve que si tu le ferais une fois par mois, tu n'aurais pas de problème. L'enfant crie et nécessairement les manipulations qui forcent l'humain à souffrir, l'éduque tout de suite que le cri, c'est pas correct. C'est pas poli. C'est pas social. N'empêche que les Indiens d'Amérique, comme plusieurs autres tribus indiennes encore aujourd'hui sur la planète, dansaient autour du feu, criaient, gueulaient, avant de décider si on faisait la guerre ou pas, de façon à éliminer toute la marde à l'extérieur, pour après ça pouvoir relaxer, en parler. Alors, on prend des décisions très rapides aujourd'hui et on se fait avoir. On accumule notre stress. Il y a même des personnes qui sont venues me vanter, des artistes à un moment donné, que le stress, le trac pour eux était absolument génial parce que ça les retenait, ça les empêchait de trop y aller. Ça l'empêche de trop être lui. Et il s'en meurt. Être stressé, c'est accepter de mourir. C'est accepter de souffrir. C'est accepter d'être mémoriel. C'est refuser son intelligence. C'est refuser l'état qu'on est. C'est refuser les changements autour de soi et à l'intérieur de soi. Et l'humain vit stressé. Jusqu'à un point où il en fait une normalité. Moi, je reste à Montréal. C'est sûr que je suis stressé. Est-ce qu'il y a une utilité cosmique au stress? Oui. Ouais, effectivement, oui. Parce que tout ce qui se passe sur la planète est de toute façon régi par de l'intelligence. Il y a une utilité cosmique au stress, c'est-à-dire que le stress est induit dans l'homme pour des raisons très particulières. Premièrement, le stress est induit dans l'homme pour permettre un contrôle sur l'humain, c'est-à-dire que l'humain évoluant d'une façon collective et collective, celui qui n'est pas stressé évolue d'une façon individuelle, et celui qui n'est pas stressé devient un dieu par rapport à l'humain très rapidement. On ne comprend pas qu'une personne ne soit pas stressée dans un monde où les autres le sont. Alors on va la vénérer, on va penser qu'à stop, on va trouver une raison quelque part. La première raison du stress, c'est de s'arranger pour que l'évolution de l'humain se fasse en troupeau, d'une façon collective, pour régir l'évolution de l'homme. Le stress permet à l'humain de communiquer entre lui. Et le stress a une autre fonction cosmique, celle qui va donner à l'humain l'impression d'être en phase de vie, c'est-à-dire qu'étant donné que l'être humain vit d'une façon mortuaire, c'est-à-dire que l'humain vit toujours à partir de ses mémoires, la seule condition, un des phénomènes réglés par l'intelligence qui peut permettre à la conscience de l'homme de conserver continuellement le contact avec le 5% d'intelligence qu'il a chez lui, et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'intellectuance, je veux dire le 5% d'instantanéité qu'il a chez lui, eh bien c'est le stress. Quand l'humain est heureux, l'humain s'ennuie. Quand l'humain est malheureux, l'humain s'ennuie. Qu'est-ce qui fait que l'humain sait qu'il vit? La perturbation. Lorsque l'humain vit une perturbation, il sent qu'il vit. Et le stress, c'est une mémoire qui permet à l'humain de continuellement rester assujetti ou attaché à la conscience qu'il vit, parce que continuellement, même s'il n'y a pas de perturbation chez lui, il en mémorise une, et cette mémorisation de la perturbation est ce qui, accumulé, on appelle le stress. Alors, le stress permet donc de gérer l'évolution collective des humains. On est à Montréal, on n'est quand même pas pour évoluer plus vite que les autres. Premièrement, notre langue fourchue vient bien nous dire qu'on n'est quand même pas meilleur qu'un autre. Hein? Souvent, on le dit. On écoute la télévision, puis on écoute le monde qui parle, quelle que soit leur classe sociale, et continuellement, ils s'excusent d'être intelligents. Bon. Alors, le stress permet à l'humain de se maintenir bon. J'ai pas pu y parler, j'étais trop nerveux. C'est ça. C'est l'outil de quoi, ça? Ça, c'est l'outil des forces d'évolution, permis par les forces d'évolution, c'est-à-dire que c'est l'outil des forces astrales, permis par l'intelligence supramentale, permis par ce que antiquement on appelait l'Esprit Saint, permis par le contact supramental ou par l'intelligence supramentale. Mais pourquoi est-ce qu'il le permet, celui-là? Il le permet pour la simple raison que l'évolution de l'homme est une évolution qui doit se faire par la génétique. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Ce n'est pas les consciences amiques, ce n'est pas l'âme qui est utile, c'est le corps physique. Le corps physique transmet génétiquement une probabilité de structuration matérielle qui aura un jour la force de soutenir de la lumière. Et ce n'est pas l'âme qui l'habite pour le promener un peu partout, puis lui faire vivre des expériences cellularisantes qui sont transmissibles génétiquement, qui est important. L'âme, ça n'a aucune importance au niveau d'évolution. L'âme, ça n'évolue pas, l'âme. Depuis des milliers d'années, certaines personnes ont nourri l'âme de certaines choses. Tu aimeras les autres comme toi-même, et puis on l'apprête, puis on le mémorise, et puis on se demande pourquoi ça marche pas. Bon. C'est sûr, on le voit au niveau de l'âme. Il y a chez l'homme de l'âme, il y a 85-90% d'âme qui est de la mémoire. La mémoire de ce qu'il a fait, la mémoire de ce qu'il a été, et à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qu'on appelle l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est la personne qui dit « j'ai peur », qui dit « maudit que c'est laid », qui dit « maudit qu'il niaise », ça c'est l'ego. Et il y a quelque chose d'autre qui naît, qui est relié à, aux 5% d'intelligence, qu'on peut appeler l'observateur. Celui qui dit « Maudit, je suis toujours nerveux ». Ça peut être émotivisé par le contact que l'on aura l'ego de ça, mais c'est le mental qui vient d'observer que tu étais nerveux. Et là, l'ego va dire « Je m'en sortirai jamais ». C'est l'ego. Le mental ne dira jamais ça. Alors, il y a des choses chez l'humain. Et qu'est-ce qui oblige l'homme à pourquoi le stress apparaît? Le stress, c'est la communion, la communication fusionnelle entre chaque expérience des individus de façon à normaliser l'évolution des masses pour que, à travers une masse, n'est-ce pas trop souvent des idoles qui vont devenir des dieux. Pourquoi? Parce que l'humain a de temps en temps besoin d'être guidé par un maître. Cela est essentiel dans l'évolution involutive ou dans l'obscurcissement de la conscience de l'homme, dans l'ignorance de l'homme. L'homme a besoin d'être dirigé par un maître, un gourou, un prêtre, un dieu, une déesse, un avatar, quelque chose. Bon. L'homme a besoin de ça de temps en temps. L'homme a besoin de ça lorsque l'humanité au complet, de par le stress qu'il vit dans sa société, et la société, elle peut être tribale, elle peut être théologique, elle peut être morale, elle peut être carrément matérielle, elle peut être capitaliste, elle peut être communiste, elle peut être socialiste, elle peut être ce qu'on voudra. Dans sa société, l'humain vit un stress, et il y a un stress de l'évolution qui est majeur, celui où tu te rends compte que tu n'es pas comme les autres. Ça, c'est un stress terrifiant qui vient niveler ta tête pour que tu sois au moins comme tout le monde. Tout le monde est malade, devient malade. Au moins, tu mourras heureux, tu seras comme les autres. Bon. Alors, lorsque le stress vient régir l'évolution du troupeau, donc de la masse humaine, de la collectivité humaine, de temps en temps, lorsque la collectivité ne sait vraiment plus où aller parce que le stress amené dedans est épuisé, on crée, génétiquement, il va apparaître un avatar qu'on peut déifier, qu'on peut bonifier, qu'on peut élire, béatifier, qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Tant que l'avatar est là, le peuple est relax, ce qui crée déjà le stress de la transformation. À l'époque où le Mahatma Gandhi se promenait aux Indes, et il se promenait en Afrique avant et après ça aux Indes, eh bien, cela créait un stress. Le premier stress était de devoir changer, et le deuxième stress était, quand on changeait, la peur de perdre le Mahatma Gandhi. Alors, chaque fois qu'une intelligence vient amener un gourou, un maître, un avatar et quelque chose, c'est pour fourrer l'humain. Ça dirige l'humain un peu, et après ça, ça meurt, ou ça s'en va, ça sacre son camp. Ça meurt pas tout, mais ça part. Et là, l'humain est pogné. Alors, il essaie mémoriellement de se rappeler, de vénérer ce qui engendre les cultes. Le refus du neuf. Et à travers cela, il y a le stress qui oblige l'humain à avancer. C'est-à-dire qu'il y a un stress qui est créé par le phénomène du contact de l'intelligence supramentale avec l'humain, et qui est vécu par l'ego, encore une fois, en tant que refus de changement. Chose qui est bien évidente, c'est que le stress est toujours le refus du changement. Le contact supramental fait en sorte que tu commences à parler, ta parole devient juste. Parce que plus la parole devient juste, plus ta pensée devient juste. Et plus ta pensée devient juste, moins tu peux te forcer à être ignorant, à être con. Et quand je dis con, c'est intéressant de constater qu'effectivement, l'humain, par sa parole, se conifie. J'ai rencontré des vendeurs dernièrement et le vendeur me posait la question, on se fait motiver 4 ou 5 fois par année, mais peux-tu m'expliquer pourquoi qu'on ne reste pas motivé? Alors je lui ai expliqué, ben oui, on va jaser 5 minutes ensemble, c'est bien simple, on va t'expliquer comment ta parole est tellement fausse, tu vas voir pourquoi tu te démolis, pourquoi tu ne peux pas rester motivé. Non, mais je suis motivé présentement. Non, mais je suis motivé présentement, OK? Après 4 mois, là, à force de t'instruire que tu es un con, après 4 mois, tu auras besoin de te faire motiver. Continuons. Qu'est-ce qui te motive? Ah, je sais pas, c'est quand je réussis quelque chose. C'est quand tu réussis quelque chose, donc tu le sais. Ah oui? Pourquoi tu commences en disant « je le sais pas » c'est quand je réussis quelque chose. Combien de fois par jour te répètes-tu que tu le sais pas alors que tu le sais? Ah, ben là, c'est intéressant. Je peux te montrer une liste complète de mots que tu te dis régulièrement pour te démolir. Alors, la personne qui commence à avancer, la personne qui commence à évoluer, elle entre en contact avec le phénomène supramental, et ce contact supramental, sa propre intelligence, parce que je suis désolé, mais à un moment donné, l'humain devra être son seul maître. C'est bien plate, là, mais un jour, l'humain n'aura plus personne à qui poser ses questions. Un jour, l'humain n'aura même plus de questions posées. Un jour, tous, vous saurez. C'est plat, c'est dommage, c'est bien plat. Mais un jour, malgré lui, l'homme sera heureux. C'est triste. Mais un jour, ce sera comme ça. Un jour, l'humain saura ce qu'il fout sur la planète. Il saura ce que les autres font là. Et il connaîtra aussi les bribes du plan cosmique qui manipule sa présence. Et il aura une idée du plan universel. Et il ne saura rien du plan super-universel et du plan créationnel, mais il n'en souffrira pas, parce qu'il se dira, c'est pas grave, un jour il saura bien. Bon. Et dramatiquement, l'humain se dirige vers ce genre de choses. Et l'humain veut tellement pas y aller qu'il mémorise son passé. L'intelligence supramentale vient ajuster la pensée de l'homme par l'ajustement de la parole et ajuster la pensée de l'homme lorsque l'astral, lorsque votre mémoire veut parler et vous fourrer, vous tromper, vous fucker en termes anglais. Lorsque lorsque la mémoire veut nous stresser, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui se répètent continuellement, qui sont stressés. C'est pas la méthode pour s'en sortir. Et à un moment donné, lorsque la partie astrale vient pour s'exprimer et que dans la parole, c'est une parole juste qui sort, ça engendre un stress. Le stress supramental dans la conscientisation, le stress de l'évolution, parce que, encore une fois, l'âme, l'ego, refuse obstinément le changement. Il n'y a rien de pire que de découvrir un jour que nous sommes capables de répondre à nos questions. La majorité des hommes visent ce but. J'ai rencontré des personnes, moi, qui voulaient construire un bateau pour aller sur l'eau. Ben, c'est ce qu'on en déduit. Et eux autres aussi en déduisaient qu'ils construisaient un bateau pour faire un voyage. Le problème, c'est que la construction du bateau était le but réel, pas le voyage. Et lorsque le bateau était achevé, tout le monde est parti. Parce que voyage, là, j'ai pas le temps, j'ai quand même d'autres choses à faire, c'est ça. Alors, l'humain, qu'est-ce qu'il a, l'humain? L'humain, il a un leitmotiv, l'évolution. L'évolution, c'est comme les Québécois, le Québec. Le Québec, ésotériquement, est hautement placé dans l'échelle cosmique. Le Québec, K-E-B-E-K, c'est le Québec au complet, Q-U-E-B-E-C, et c'est tout le bouclier canadien. Et c'est sur cette terre que naît chaque début, chaque nouvelle race. Et c'est pourquoi toutes les prophéties, et surtout les prophéties européennes dans ces conditions, parlent de ce Québec. Et c'est pourquoi il y a une migration vers le Québec, c'est-à-dire qu'il y a de l'immigration. Il y a des gens qui viennent et qui sont déçus, parce qu'inconsciemment, ils perçoivent que le Québec est une terre, au bout, terre promise. Alors, le Québécois veut peut-être avoir une indépendance énergétique. Il la canalise par l'indépendance politique. Et le Québécois veut militer pour l'indépendance. Et lorsque c'est le temps de dire oui, bon, mais si on dit oui, on ne pourra plus militer pour. Et qu'est-ce qui me fait vivre? Le oui ou la militation pour? Alors on vote non. Et comme ça, on pourra continuer de militer pour. Et c'est extraordinaire de voir que l'humain marche toujours comme ça. Qu'est-ce que l'humain veut? L'humain veut évoluer. Alors, tu dis à quelqu'un, veux-tu répondre de par ta propre parole? L'humain dit oui. Parfait. Alors, tu viens et je peux te montrer certaines choses à faire, une forme d'initiation peut-être, adaptée à toi, qui t'amènera à cela. Alors, l'humain, il veut. L'humain, il vient. Et plus tu te rapproches de la chose, moins l'humain sait si c'est ça. Et finalement, juste quand tu es presque proche d'aboutir, t'abandonnes. Tu suis une cure pour te guérir. Puis quand ça marche, c'est pas long, t'es pas guéri, mais tu lâches. Tu suis une cure d'amaigrissement, tu lâches. Tu suis une cure d'évolution, tu vas aussi lâcher quand ça va être presque le temps d'aboutir. Alors, évidemment, il y a ce phénomène qui engendre le stress, c'est-à-dire que l'humain s'attache à ses mémoires. L'humain veut travailler pour connaître la paix. Il ne veut pas être en paix. Il n'y a rien de plus ennuyant qu'un humain en paix. Moi, je veux devenir... On veut tous devenir immortels. puis on s'ennuie les soirs chez soi. Alors, quand on va être immortel, on va être maudit en poignée. On veut devenir quoi? On veut en faire des choses. Et nécessairement, qu'est-ce qu'on veut faire? Le but, la carotte, c'est le 5% de la conscience intelligente, de la conscience instantanée, de ce que vous savez sans avoir besoin de l'apprendre. Et c'est une chose qui doit se développer chez l'âme. Et bien, ce 5%, il te fait vibrer à une condition événementielle, à une condition évolutive, à une condition améliorative. Alors, tu vois la lumière, et l'humain se dit, « Faut que je l'atteigne! » Et il préfère travailler sur ça. Rentrer dans une église, mes bien chers frères, et demander aux fidèles qu'est-ce qu'ils vénèrent, la croix ou le Christ. Alors, les fidèles vous répondront, « Mais le Christ! » Alors, tu montres en avant, tu prends la croix et tu la casses. Ils te sautent tout de suite. Mais, M. Kem, parce que vous êtes quelquefois stressé. Je suis quelquefois énervé et énervant. Mais je ne suis pas stressé. C'est bien. Et ça, il y a des personnes ici qui sont d'accord pour le dire. Mais stressé, non? Ah bon, c'est bien. Alors, ça veut dire qu'on peut... C'est plate, hein, c'est dommage. Ce serait plus fun, j'aurais répondu oui. Ça aurait été mieux. Non, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on peut tous y atteindre. Même si je serais stressé, ça n'empêcherait pas l'humain de l'atteindre. C'est vrai. Ce n'est pas parce que je ne suis pas stressé que ah, ben, c'est encourageant. Si tout le monde serait stressé, ça ne serait pas une raison pour que moi, je ne me déstresse pas. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir un exemple ou d'attendre l'humain, n'est-ce pas? Oui, mais quelquefois, on ne peut pas faire les choses tout de suite parce que ce serait bien trop dur puis ce n'est pas le moment dans l'évolution de l'humain. Ce ne serait pas trop dur, ce serait trop souffrant, donc trop stressant. On est trop programmé mémoriellement à ne pas vouloir le changement. On veut vouloir le changement, mais on ne veut pas le changement. Le changement, qu'est-ce que ça implique? Le changement, ça implique le changement. N'est-ce pas? C'est logique. C'est évident. C'est simple, mais plus ça. Ton fils grandit. Ah, ben, c'est bien sûr! C'est bien sûr, hein? C'est pas ce que je veux dire. Dans 15 ans, tu comprendras ce que je voulais te dire. Puis là, tu diras, il veut s'en aller, il couche avec un homme. Ton fils a grandi. Et là, c'est plus aussi sûr. On veut des enfants, et dans 20 ans, ils seront plus là. Hein? Alors, il faut repasser à deux fois. Le changement implique le changement et l'humain veut la recherche du changement. Ça implique le stress. Le Walkman, ça énerve ceux qui se plugent ses oreilles. Walkman ou Walkwoman, le giguiste, le promeneur, baladeur. Quand on se met ses oreilles, on se coupe du reste de l'univers et on pense qu'on va se calmer. Si on aurait un électrocardiogramme fourni avec le baladeur, on verrait que c'est l'inverse. Et le baladeur, qu'est-ce qu'il fait? Il te rentre dans ton monde. Te rentrant dans ton monde, il ne te relaxe pas. Il t'oblige à vivre dans tes mémoires. Et la condition extérieure, le monde, progresse pendant ce temps. Le baladeur, c'est la même chose que les barreaux d'une prison. On est relax dans une cellule. C'est quand on sort que là, on n'est plus relax. Alors, l'humain doit apprendre à changer. Vivre sans le stress, c'est facile. Acceptons premièrement d'être nous-mêmes. Acceptez-vous d'être vous-même. Et là, les intellectuels vont dire, « Oui, mais je ne sais même pas qui je suis. » Contente-toi d'être ça. Au moins, ce sera déjà un début. Celui qui refuse d'exprimer qui il est, comment peut-il savoir qui il est? Comment? Juste le fait de ne pas être capable de péter. C'est stressant. Et le fait de péter sans s'en rendre compte puis de découvrir après que je le sais en même temps que les autres, c'est très stressant. Comprenez-vous qu'est-ce que c'est que le stress? C'est C'est de l'imbécilité. L'humain n'est pas imbécile, mais le stress est imbécile. Une personne fait... Excusez-moi. Pour l'aider, je lui réponds toujours, je te pardonne. C'est plus simple. Après deux, trois fois, elle s'excuse plus. Pas avec moi, en tout cas. Elle me demande de l'excuser. Alors je l'excuse. Il y en a qui sont plus polis, disent pardon. C'est avec quelque chose qu'on peut dire, je te pardonne. L'humain vit simplement, mais maudit que c'est simple. Tu prends de l'eau pour boire, puis t'en mets à terre. Que voulez-vous changer à l'acte? Que pouvons-nous changer à l'acte? Tu peux, si t'es une maîtresse de maison un peu folle, partir avec ta guenille, tes trois ou quatre tampons, ton aspirateur que t'as acheté sans bande neuf, puis on a quoi? Pour amasser le vin, l'eau, le pipi, là on a quoi sur le tapis? OK, c'est beau, c'est beau. Mais on ne change rien à un acte qui est fait. Alors, il n'y a donc plus d'intelligence de se stresser. Et lui-même va dire, alors, je peux donc maintenant me permettre le luxe de me stresser avant. Alors, quand tu rentres chez moi, je me stresse que tu renverses de l'eau ou le vin sur le tapis. On ne peut rien changer à ce qui n'est pas encore arrivé. Il y a des personnes qui bafouent le stress. Je connais une personne qui adore les choses belles et neuves et change de mobilier souvent. Bon. Quand on rentre chez elle, et qu'il y a un très beau tapis, un très beau sofa, une très belle table, des belles chaises. Il y a du plastique partout, par exemple. Alors, tu marches sur le plastique sur le tapis, tu t'assois sur le plastique dans le fauteuil, tu manges sur le plastique sur la nappe, du plastique partout. Et pas stressé. A pas peur qu'on salisse ses affaires. Ça, c'est de jouer, mais de jouer mal, parce qu'elle est toujours stressée. Toujours, toujours, toujours, toujours. Vivre sans le stress, c'est vivre avec la vie. Tu as peur qu'il neige. Je suis convaincu, moi, que si les flocons tombent, ils tomberont. J'en suis convaincu. Et ce n'est de toute façon pas par le stress de l'homme qu'il n'y neigera pas. L'homme peut contrôler les choses. Mais pas quand il est inconsciemment contrôlé. Quand l'homme est un maître esclave, il n'arrive, il n'aboutit pas. Alors, tu te couches et tu veux faire du ski le lendemain. Bien, couche-toi et laisse faire le ski, c'est le lendemain. C'est facile à dire. Dites-le au moins. Quand l'humain dit « c'est facile à dire », notez que c'est pas lui qui le dit, c'est l'autre. Quand une personne me dit « oh oui, mais c'est facile à dire, ça qu'il faut être calme », alors moi je lui dis « c'est facile à dire », dis-le donc. « Ah oui, mais ça va rien changer, dis-le. » « Ah, arrête de niaiser. » T'es pas capable de le dire. C'est pas facile à dire. « Bon, je vais être calme. » Mais remarquez qu'instantanément la personne, elle devient plus calme. Parce qu'elle découvre que... Ah non, t'as raison. Quand vous parlez juste, est-ce que tu vas être à l'heure? Bon, sais-tu, moi? Tu te stresses? Oui, je vais être à l'heure. Puis t'arrives en retard. Après. Hein? Après. L'humain, présentement, n'est pas encore le maître contrôleur de sa planète, donc nécessairement, il est assujetti à une écologie, il est assujetti à une manipulation qui, nécessairement, l'amène à se tromper. Savez-vous qu'est-ce que c'est que se tromper? Moi, quand je dis que je vais être à l'heure et que j'arrive en retard, je pense pas que je me suis trompé. Je pense que l'univers s'est trompé. C'est pour ça que je t'entends. Mais pourquoi devrions-nous toujours penser que c'est de notre faute? Il y avait un accident avec... Prochaine fois, je te dirai que non, je te dirai que je ne le sais pas. Dis oui. Moi, je veux savoir si toi, tu vas être à l'heure. Si les conditions événementielles, si l'extérieur t'empêche d'être à l'heure, je sais que ça ne te regarde pas. Je te prendrai bien quand tu arriveras. Mais pourquoi l'humain ne peut-il pas vivre simplement? Parce que l'humain vit dans sa mémoire, parce que l'humain vit avec son passé, parce que l'humain a peur du changement et du neuf. Vivre sans le stress, mais c'est facile. Oui, mais mon patron, là, il m'énerve parce que tu te prends trop au sérieux. Regarde-là, allez, ton patron. Essaie de dessiner deux, trois petits barreaux en avant, puis mettre Zou de Gramby. Puis regarde-là, allez, maintenant, ton patron. Il te stressera pas, tu vas avoir même le goût de donner des pinottes. Tu vas relaxer à le voir faire. Mais parce que l'homme se prend au sérieux, parce qu'il a l'impression que l'autre rentre dans son espace vital, parce que lui, il ouvre ses portes, parce que l'humain a l'impression qu'il mérite un patron relax, bien nécessairement, il est frustré. Puis nécessairement, il est stressé. Qu'est-ce que le stress inconscient? Le stress inconscient, bon, le stress conscient fait partie du contact avec l'intelligence et la conscience mémorielle de l'homme. Ça engendre un stress conscient. Être écœuré d'être manipulé. T'en es? Bon. Être ceci, être cela. Le stress inconscient, c'est tout ce qui provient des manipulations collectives, donc des manipulations astrales, qui obligent l'humain à s'associer l'un envers l'autre. Mon stress en tant que patron est absorbé par mes employés. Ça m'arrange. On se nivelle. Mais si je rencontre un employé qui n'a pas l'air à être stressé par moi, dans le début, je peux être frustré. Parce que je serai jaloux. Puis à un moment donné, je jaserai cet employé-là parce qu'il me calmera. Le stress inconscient peut engendrer les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je ne suis pas stressé, c'est comme ceux qui n'ont pas peur. » Vous ne connaissez pas la peur là, mais elle vous habite. N'importe quand, on peut prendre un individu qui dit qu'il n'a pas peur et l'amener dans certaines conditions, là, puis il aura peur. Alors, il a la peur. « Moi, je ne suis pas stressé. »« Hey! » Bon, là, je suis stressé. Mais j'étais pas stressé, je te dis. Tu étais stressable. Si tu es stressable, c'est que tu as suffisamment accumulé de mémoire de stress à l'intérieur de toi qu'il manque la petite goutte. Et tant que l'humain n'a pas la petite goutte, il peut se dire « je ne suis pas stressé ». Le stress inconscient s'accumule sans que l'être humain le veuille. Et accumulant ce stress, tant qu'il n'est pas exprimé, il est bien. L'enfant accumule un stress inconscient parce qu'on l'oblige à aller à l'école, parce qu'on l'oblige à être poli, parce qu'on l'oblige à pas péter, parce qu'on l'oblige à pas crier, parce que, etc. Mais l'enfant accumule un stress inconscient et à un moment donné, ce stress peut se faire éclater avant l'adolescence, il peut éclater pendant l'adolescence, il peut éclater en tant qu'adulte, mais à un moment donné...